بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 6 dans la série des durus حقيقة التصوف, la réalité du tasawuf. Et le cheikh, aujourd'hui on va continuer à lire les paroles du cheikh Al-Fawzan. Et le titre de qu'est-ce qu'on commence à lire aujourd'hui, c'est قصرهم العبادة على المحبة, c'est-à-dire comment ils ont, c'est-à-dire comment les soufis ont limité l'adoration à l'amour, hein. Et ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps chez eux. On met beaucoup d'importance sur la notion de l'amour, puis on parle souvent de ces notions-là, yani. D'accord. Et donc ça c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec les chrétiens, parce que yani c'est également le slogan des chrétiens également. L'amour, l'amour, l'amour tout le temps, d'accord. Et ça, c'est une façon qu'ils ont pour essayer de camoufler, disons, leur égarement et leur fausseté, en parlant de cette chose-là, c'est-à-dire de l'amour, que l'important c'est l'amour, etc. Alors qu'en réalité, justement, ils n'ont pas vraiment d'autre chose sur quoi se tenir que ça. Et le chef, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par le fait qu'ils ont limité leur adoration à l'amour. الشيخ dit قصرهم العبادة على المحبة فإنهم يبنون عبادتهم لله على جانب المحبة ويهملون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء كما قال بعضهم أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غير ذلك فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc le cheikh il dit que les soufis ils ont limité leur adoration à l'amour et ils ont basé ou bâti toutes leurs adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le côté de ou sur l'aspect de l'amour. D'accord. Donc yani peu importe qu'est-ce que quelqu'un d'entre eux fait, ça c'est quelque chose même chez les chrétiens. Si tu vois quelqu'un fait un péché ou quelqu'un fait quelque chose de haram ou quelque chose fait quelque chose de bid'ah, il dit c'est pas grave, l'important c'est l'amour, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est amour et il aime, etc. Hein. Et des fois même tu vois déjà à la sortie des métros qui sont des chrétiens qui appellent les gens à la religion et qui disent Jésus t'aime. Il dit ça à tout le monde. Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est pour eux Jésus c'est Dieu. Hein. Et donc Jésus t'aime. Et pour eux Dieu aime tout le monde. Le bon, le mauvais. Également, ni sans distinction. Et là, on a expliqué déjà, nous, dans d'autres durus, que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il aime les gens du bien, puis il déteste les gens du mal. Inna Allaha لا يحب القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى il n'aime pas les gens pervers, il n'aime pas les gens يعني qui sont injustes, il n'aime pas les gens qui sont fiers, etc. Donc il nous a expliqué dans le Coran qui il aime et il nous a expliqué qui il n'aime pas. Donc c'est pas vrai que Allah subhanahu wa ta'ala aime tout le monde de façon égale, c'est-à-dire parmi ses créatures. Hein. Parmi les gens du bien, il y en a qui l'aiment plus que d'autres. Et parmi les êtres humains, il y en a qui l'aiment, et il y en a d'autres parmi les créatures qu'il déteste également parce qu'ils sont en désobéissance, parce qu'ils font des péchés, parce qu'ils transgressent, parce qu'ils font le kufr ou le shirk ou des bid'ahs ou des péchés en général. Donc, dans ce sens-là, il faut voir que il ne faut pas seulement se concentrer sur l'aspect de l'amour, mais également sur les autres aspects de l'adoration qui sont très importants également, c'est-à-dire al-khawf et al-raja, par exemple, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le cheikh dit, parce que certains soufis, ils disent quoi? Ils disent, je n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par espoir ou par intérêt pour avoir son paradis, ni par crainte pour son feu ou son enfer. Donc ça c'est leur expression et c'est quelque chose qu'ils répètent souvent dans ce sens-là. Yannick, nous on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala pour le paradis et, ou par crainte de l'enfer. On adore juste Allah par l'amour pour lui. D'accord? Et ça bien entendu c'est quelque chose de très dangereux. Et le cheikh dit que bien sûr il n'y a pas de doute que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fondement de l'adoration, c'est la base de l'adoration. Ça, on le nie pas et on le remet pas en question. On est d'accord sur le fait que l'amour, c'est le principe fondamental dans toute forme d'adoration. Sauf que, il ne faut pas limiter l'adoration à cette adoration-là en particulier, ou à cet aspect-là en particulier. Il faut regarder l'adoration de tous ces points de vue et dans toutes ces catégories et dans tous ces aspects. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y a beaucoup d'autres aspects et beaucoup d'autres adorations qui sont très importantes également, comme par exemple al-khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'espoir, ou abdul, c'est-à-dire de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et al-khudur. Al-khudur, c'est de s'humilier, mais c'est le cœur, ça se rapporte plus au cœur. Ad-du'a, c'est-à-dire de faire des invocations, et etc. Donc il y en a beaucoup d'autres formes d'adoration également. Ensuite, le cheikh, il dit, et également le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mentionné dans son livre Al-Ubudiyya une définition pour l'adoration, et il a dit, c'est un nom qui comprend tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit des paroles ou des actions, et que ce soit apparent ou intérieur, d'accord, extérieur ou intérieur. Et Cheikh al-Islam Ibn Qayyim, l'allama Ibn Qayyim, l'imam de Ibn Taymiyyah, l'élève de Ibn Taymiyyah, il dit dans son poème An-Nuniyah, il dit وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عباده هما قطبان وعليهما فتلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. Donc ça veut dire que l'adoration c'est quoi? C'est basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'humilité, le fait de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est basé sur l'amour et sur l'humilité. Et ça, c'est les deux pôles de l'adoration. Et donc, c'est là-dessus que tout le reste de l'adoration tourne. C'est autour de ça, de ces deux pôles-là, que tourne l'adoration en entier. Donc, ça, c'est les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, et il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ السَّلَفِ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ بِالْحُبِّ وَحْدَهِ فَهُوَ زَنْدِيقِ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. le cheikh il dit que certains parmi les salaf ont dit que celui qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour seulement, eh bien c'est un hérétique. C'est un hérétique parce qu'il va tomber dans tout ce qui est contraire à l'islam, puis il va prétendre que tant qu'on est dans l'amour, c'est ça ce qui est important. Alors, il y a une autre, également une autre, la suite de ça, ça dit, et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par l'espoir, alors il est murji. Le murji c'est quoi? C'est celui qui prétend, qui croit que la foi n'est pas, ne fait pas partie des actions, que les actions ne font pas partie de la foi. Et c'est ça. C'est celui qui prétend que les actions ne font pas partie de la foi. Donc, peu importe. Le fait qu'une personne, par exemple, ait dit je crois en Allah, je crois en l'islam, je suis musulman, avec sa langue, ça suffit. T'as pas besoin de dire ou de faire rien d'autre. C'est suffisant. La foi pour eux, c'est dans le cœur, et non pas dans les actions qu'on fait et dans les paroles qu'on dit. Donc, même si tu prononces des paroles de kofr, ou tu dis des paroles de shirk, ou que tu fais des actions qui sont contraires à la foi, ou que tu n'obéis à Allah dans rien, et que tu n'appliques rien des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, c'est pas grave. Tant que tu dis que tu es croyant, ça suffit. Ça, c'est une des formes, parmi les formes de al-irja. Et ces gens-là, ils se battent sur l'espoir. Pour dire que, allez, j'espère qu'Allah va me faire entrer au paradis, même si je fais rien. Et ça, c'est en réalité, c'est pas de l'espoir, mais c'est plutôt une sorte de rourour, une forme de façon comment le shaitan les a trompés, une forme d'illusion, de trompe. Comment le shaitan les a trompés à croire qu'ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient et à désobéir à Allah et à faire le contraire de ce qu'Allah ordonne et que tu es correct, il n'y a plus importe, aussitôt que tu dis que t'as la foi, ça y est, c'est fini. Et il y a un autre extrême à cet extrême-là, c'est ceux qui adorent Allah uniquement par la crainte. Et ça, c'est Al-Khawarij. Et le cheikh les a mentionné ici en disant que ce sont les Haruri. C'est un Haruri. Ça, c'est-à-dire Al-Haruriya. Et Al-Haruriya, c'est un des groupes parmi les groupes des Khawarij. Okay. Et Al-Haruriya, c'est des gens qui s'étaient réunis au temps de Ali ibn Abi Talib dans une région qu'on appelle Harura. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Haruriya. C'est un groupe parmi les groupes des Khawarij qui ont déclaré Ali ibn Abi Talib et Muawiya comme étant des kuffars et qui ont rendu leur sang licite. Et qui, eux, ils ont dit, quand quelqu'un ne fait pas les actions de la foi et quand quelqu'un commet un grand péché, il quitte l'islam. Et son sang est halal et ses biens sont halal. Donc c'est l'autre extrême par rapport au Khawarij. D'accord? Ils sont des musulmans, sauf que ce sont des mubtadi'a. Ce sont des mubtadi'a. Puis parmi les salafs, il y en a qui les ont déclarés kuffars. À cause du hadith du prophète qui dit, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ. Donc, en se basant sur cette citation-là, il y en a qui les ont déclarés comme étant des kuffars, mais l'opinion générale qui est acceptée parmi les ulama en général, c'est que ce ne sont pas des kuffars, que ce sont seulement des mubtadi'a et que ce sont des gens déviés. Toutefois, ils n'ont pas quitté l'islam. Donc, le cheikh dit, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ رُسُلَهُ وَأَنْبِيَاهُ بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَأَنَّهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَأَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ رَغَبًا وَرَهَبًا. Le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses messagers et ses prophètes également en disant qu'ils invoquaient leur Seigneur par crainte et par espoir, par crainte et par espoir de vouloir le paradis et par crainte de son châtiment. Et il les a décrits également en disant qu'ils souhaitaient ou ils espéraient la miséricorde de son Seigneur, de leur Seigneur, ils espèrent sa rahma et ils craignent son azab, son châtiment. Et il dit également que, yani, il l'invoque par amour et par crainte. Par amour et par crainte. D'accord? Donc ça c'est très important de réunir ces deux choses-là. Donc si les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah sont mentionnés dans le Coran comme étant des hommes ou des individus qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par amour, donc qui après eux peut prétendre que tu peux invoquer ou adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par amour et non pas pour te, chercher la protection ou bien la protection ou, ou par crainte en son châtiment ou bien par, par espoir en sa miséricorde, etc. Donc, hein, c'est des gens comme s'ils se prennent pour des gens qui sont au-dessus des prophètes et des messagers. Et ça, c'est grave. Hein. Donc, le Cheikh dit encore, le Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, يرحمه الله ولهذا قد وجد في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ذكر أكوز بسد خيزون لا يعني à cause de cette idée-là de vouloir penser qu'on peut adorer Allah juste par l'amour, certains parmi les gens qui sont venus plus tard dans l'histoire, ils ont commencé à prétendre qu'ils voulaient adorer uniquement Allah par l'amour. Et yani, ça, ça les a fait sortir vers une forme d'égarement qui les font sortir en réalité de la limite de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. De al-ubudiyya, c'est-à-dire du fait d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh dit, wa qala aydan, wa kathirun min as-salikin salaku fi da'wa hubbillahi anwa'an min al-jahli bid-din, imma min ta'addi hududillah, wa imma min tadhi'i huquqillah, wa imma min iddi'a'i ad-da'awa al-batila allati la haqiqata laha. Donc le Cheikh il dit qu'il y a beaucoup parmi les gens qui ont suivi les voies des soufis, qui ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et en réalité c'était ce qu'ils ont certaines sortes d'ignorance au sujet de la religion. C'est des gens qui ont de l'ignorance au sujet de la religion, soit qu'ils ont dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien soit par le fait qu'ils ont laisser tomber certains des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien soit qu'ils ont prétendu posséder certaines choses fausses, hein, en réalité qui n'ont aucune, qui ont rien de vrai. Hein. Donc ils ont prétendu des choses qui ne sont pas vraies. وقال أيضا الذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعزل والغرام، وكان هذا أصل مقصودهم، ولهذا أنزل الله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره. الشيخ يزيد دونك ابن تيمية يزيد que certains parmi les chouïrs soufis ont disons ouvert la porte très large à certaines choses qu'ils se permettent, yani, comme le fait d'écouter de la musique et des poésies et des sortes de chansons yani, qu'ils font, qu'ils appellent yani, des samas ou bien des anachides ou des choses comme ça, avec parfois même des tambours et des choses comme ça. On va mentionner des exemples de ça dans d'autres cours. Le Cheikh il dit que yani, ils font ça en prétendant qu'ils font ça par amour, ou par shawq, yani un envie pour Allah subhanahu wa ta'ala et un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il démontre également il y a d'autres aspects de ce genre, il y a durant durant le moment où il chante ces chansons-là. Et donc le cheikh il dit que en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset dans le Coran justement pour mettre à l'épreuve, wa alaykum salam, pour mettre ces gens-là à l'épreuve, ces gens-là qui prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset dans lequel il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. C'est-à-dire, si réellement vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Donc, comme le cheikh dit, quelqu'un qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se limite pas à la sunna et qu'est-ce qui est venu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son exemple et dans sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et bien même s'il prétend qu'il aime Allah, et bien c'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, c'est-à-dire اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. Donc ce verset-là, c'est le verset qui vient tester toute personne qui prétend aimer Allah. Et le cheikh dit وكثير من من نعم après dit وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. Donc يعني si tu veux réellement prétendre que tu aimes le prophète صلى الله عليه وسلم, tu dois obéir et suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la seule façon par laquelle tu peux arriver à être un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir al-ubudiyya pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a plusieurs, le cheikh dit, وكثير من من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره حتى يظن أحدهم سقوط الأمر تحليل الحرام وتحليل الحرام له. Donc le cheikh il dit que plusieurs parmi ces gens-là qui prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les soufis, sortent de la législation ou de la loi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, ainsi qu'ils sortent de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, et ils prétendent parfois certaines imaginations ou certaines choses qu'ils s'inventent, des illusions comme tu le disais tout à l'heure, et ils s'ouvrent la porte très large dans ce domaine-là, ils se permettent toutes sortes de choses, même des choses haram. Comme le cheikh il dit qu'il ne peut pas mentionner beaucoup d'exemples à ce sujet-là maintenant, sauf que si on voulait en mentionner, il en aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Toutefois, on va en mentionner nous également, mais plus tard, en se basant sur le livre du cheikh Ahmed Lo, il a la cité dans leur livre des exemples de ça. Toutefois, pas aujourd'hui, un autre cours on va en mentionner, inshallah. Le cheikh il dit donc que certains sont arrivés au point à croire que ils n'avaient plus besoin d'adorer Allah ou d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et que même le haram devenait halal pour eux lorsqu'ils avaient atteint un certain degré dans la religion. Après le cheikh dit وقال ايضا وكثير من الضالين الذين اتبعوا شيئا اشياء مبتدعه من الزهد والعباده على غير علم ولا نور من الكتاب والسنه وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبه مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك انتهى. Donc ça c'est la fin de la citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit il y a beaucoup parmi les égarés, parmi les gens de Bid'a comme les soufis, qui prétendent être des adorateurs ou bien des gens qui sont disons qui délaissent la dunya, alors qu'en réalité ils font ça sans aucune connaissance et sans aucune lumière venant du Coran et de la Sunna. Et donc étant donné qu'ils sont en grande partie dans l'ignorance des limites de la charia, ils sont tombés dans beaucoup de formes d'égarements semblables à celles des chrétiens dans leur religion, d'accord. Et c'est-à-dire du fait qu'ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se permettent de contredire la loi divine, ils abandonnent également toutes la lutte et les efforts qui sont reliés à suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit donc, فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة بل يؤول بصاحبه إلى الضلال بالخروج عن الدين. Le Cheikh dit donc, on voit que le fait de se limiter uniquement à l'amour, on appelle, en réalité ce n'est pas une adoration. Si quelqu'un prétend qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala en se limitant uniquement sur l'amour, en réalité ça c'est pas une adoration. D'accord? En réalité, ça peut même amener cette personne-là à l'égarement et même à sortir complètement de la religion. D'accord? Parce que quelqu'un, il va commencer à se permettre de faire tout, et puis quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais quelque chose comme ça? C'est haram. Il dit, mais l'important c'est l'amour. L'important c'est le cœur. Hein, c'est ça ce qu'ils disent. Exactement. Exactement. Et oui, c'est ça. Donc, la salat c'est dans le cœur, le hijab c'est dans le cœur, hein, le ramadan c'est dans le cœur, toutes les adorations c'est dans le cœur. Et la oui, souvent c'est aussi les intentions, l'important c'est l'intention et tout. Toutefois, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, au sujet des gens de l'enfer, jaza'an bima kanu ya'maloun, récompense, ils seront récompensés au jugement dernier selon ce qu'ils ont fait comme action. Hein? Donc, yani, c'est pas uniquement juste qu'est-ce que tu dis j'ai dans mon cœur. Hein? Donc, souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux mu'minines, il dit ya ayyuha alladhina amanu, tout ce que tu as pris donne un ordre, donne un commandement. Hein? والذين آمنوا وعملوا الصالحات. À chaque fois qu'il mentionne al-iman, toujours c'est relié avec وعمل الصالحات. D'accord? Parce que c'est relié ensemble. Un ne peut pas être sans l'autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre avoir l'iman et tu n'as pas les actions. Et si tu as les actions sans l'iman, c'est ça le nifaq. C'est-à-dire, tu fais les actions, mais tu n'as pas l'iman dans le cœur. Ça, c'est le nifaq. Toutefois, tu dis que tu as l'iman, mais tu n'as pas les actions. Ça, c'est tanaf. Hein. C'est l'irja, exactement. Ça, c'est, donc, c'est grave. Hein. Après, le chef, il dit, une autre caractéristique ou un autre point à propos de la voix des soufis, Adamu rujou'ihim ila al-kitab wa sunnah. Ok? C'est que la religion des soufis, elle n'est pas basée sur le Coran et la sunnah. Ok? Et ça c'est une des choses que yani, beaucoup de gens ignorent au sujet des soufis, hein, parce que certains parmi les chouïrs soufis, comme on a mentionné dans d'autres cours, ils prétendent que yani, le tasawwuf c'est une science qui aide à purifier le cœur et qui aide à corriger les défauts de l'âme, d'accord, comme par exemple l'avarice, la jalousie, des choses de ce genre, hein, des défauts de l'âme. Toutefois, quand on regarde les détails de qu'est-ce que les chouïrs de Soufia ont mentionné dans leur livre, on voit que, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, tasawwuf dépasse ça, dépasse les limites de la charia, dans beaucoup de points de vue. Et, pourquoi? On va voir. Le chef dit à Soufia, c'est le ghalib, لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرجعون إلى أزواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة أو المبتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا ما ينبني عليه دين الصوفية. Le Cheikh a bien résumé ici, il dit que les soufis en général, ils ne retournent pas pour expliquer leur religion ou pour fonder leur religion et leur adoration, ils ne se retournent pas au Coran et à la Sunna, ni ils ne retournent pas également à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sur quoi ils se basent? Sur quoi ils se basent pour bâtir leur religion? ils se basent sur leur goût, hein, leurs sensations, qu'est-ce qu'ils ressentent, hein, des émotions, des sensations. Comme par exemple, ils font certains rituels, certaines formes de dhikr, ou certaines danses, ou certaines choses qu'ils font. Et bien entendu, c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, c'est basé sur qu'est-ce que leur chef leur a enseigné de faire, ou leur a dit de faire. Et donc, le chef, bien entendu, malheureusement, il n'a pas pris ça du Coran et de la Sunna, il a pris ça d'autres références, et on va mentionner c'est quoi les exemples de ces références-là. Donc, ils se basent là-dessus, et ils demandent à leurs mourides ou à leurs fidèles de pratiquer ces choses-là. Et donc, en les pratiquant, ils vont ressentir certaines sensations, et pour eux, donc, ces sensations-là, c'est ça qui détermine pour eux qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Si quelque chose te procure une sensation spécifique en le faisant, d'accord, c'est bon. Et donc, pourquoi? Parce qu'on l'a testé, on l'a expérimenté, puis ça montre que ça fonctionne comme méthode, d'accord? Donc, on va voir en détail. Après, le chef dit également, ils suivent quoi comme religion? Ils suivent qu'est-ce que leurs chouyouk leur ont demandé de faire parmi les chouyouk des turuq, soufis, les voies soufis dont on a parlé dans les deux derniers cours, qui sont des voies innovées, bien entendu, dans la religion. Également, ils suivent les azkar, les formes de zikr et les formes de word que leurs chouyouk ont inventées pour qu'ils suivent ces exemples-là. Et on va mentionner dans des cours qui vont suivre, Inch'Allah, des exemples de formes de salat et des formes de dhikr que les chouyouk ont inventées, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et comment ils demandent à leurs fidèles de suivre ces wirds-là. Et ils ont même inventé, pour chacun de ces do'as ou de ces prières qu'ils ont inventées, ils ont également inventé pour inciter leurs fidèles à les faire, toutes sortes de récompenses. Hein, que si tu fais tel doa, ou tel zikr, ou telle chose, tu vas recevoir telle récompense. Et on va voir des exemples de ça. Et les récompenses qu'ils mentionnent ne sont basées sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Terrestre ou divine, les deux. Et on va voir des exemples de ça dans leur livre à eux, et dans leur citation, comment ils parlent. D'accord? Également, ils se basent sur toutes sortes d'histoires, des hikayat. C'est des racontages, des histoires, c'est pas des hadiths, c'est juste des histoires, un saint a dit ou bien un sage a dit, commence à raconter des histoires. C'est pas le Coran et la Sunna, c'est juste des histoires. Al-Qussas, comme on appelle Al-Qussas, c'est-à-dire des raconteurs, d'accord? Ou bien sur les manamates, c'est-à-dire des rêves que des choses ont fait, et ils se basent sur ces rêves-là, d'accord? Pour dire des choses qui font pas partie de la religion. Ou bien sur des hadiths maudoua, c'est-à-dire des hadiths qui ont été fabriqués, avec aucune isnad. Après, si tu lui demandes c'est quoi l'isnad de ce hadith, c'est quoi la chaîne de narrateur de ce hadith, il n'en a pas. Et même certains parmi eux-mêmes, ils critiquent les ulama de hadith, et ils essaient de se montrer comme si meilleurs que les ulama de hadith en disant, vous transmettez la connaissance que vous avez d'une personne morte à une autre. C'est-à-dire, vous dites, haddathana fulan, haddathana fulan. Et ça, c'est un mort qui transmet à un mort, qui transmet à un mort et à un mort. Tandis que nous, on dit, haddathani qalbi an rabbi. C'est-à-dire, moi, mon cœur m'a transmis de mon Seigneur. Donc, ça veut dire, j'ai connexion. Allah, il me met des choses directement dans mon cœur. Donc, j'ai pas besoin de passer par une intermédiaire ou une chaîne de narrateurs qui vient du Prophète sallam, et qui passe à travers les sahabas jusqu'à moi. Donc, eux, ils passent directement, un raccourci direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à quoi sert, hein, pourquoi Allah a envoyé des messagers? Et pourquoi Allah a envoyé le Coran, qui est la dernière révélation? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est khatim al-nabiyyin, le sceau des prophètes, si après lui, il y a des hommes qui vont venir et qui reçoivent directement des informations de Dieu. Alors ça vient complètement annuler le fait qu'on a, disons, terminé la prophétie. Et même il y a une femme, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait régulièrement la visiter avec Abu Bakr et Omar, et c'était une vieille femme, et elle aimait beaucoup l'islam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar sont passés pour lui rendre visite. Et ils ont dit, bon, étant donné que le prophète avait l'habitude d'aller la visiter, on va continuer cette bonne habitude pour lui dire salam, etc. Arrivés devant chez elle, ils sont allés la visiter et la femme s'est mise à pleurer. Et là, les sahabes Abu Bakr Omar ont dit, ne pleure pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint, c'est-à-dire il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est mieux là où il est maintenant que quand il était dans cette dunya. Et la femme a dit non, c'est pas pour ça que je pleure, mais je pleure parce que la révélation est terminée. Il n'y a plus rien qui va être descendu, du Coran ou des versets, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était triste du fait qu'il n'y avait plus de versets qui allaient descendre. Et la révélation, chaque fois qu'un verset était révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose qui réjouissait les mu'minin, qui réjouissait les sahaba. Et donc le fait que c'était terminé et qu'il n'y avait plus de révélation, ça la rendait triste. Et il y a une autre choubha que les soufis ont utilisé à ce sujet-là, c'est qu'ils disent que nous on n'invente pas des hadiths contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on invente des hadiths pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on ment pas contre lui, on ment pour lui, pour le bien. Et là, donc ça c'est un exemple comment ils ont essayé d'utiliser une choubha pour dire nous on veut amener les gens à faire plus de bonnes actions, donc on invente des hadiths qui vont donner, qui prétendent par exemple que si tu fais telle ou telle affaire, tu vas avoir telle récompense ou des choses de ce genre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, il a dit man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, celui qui invente à mon sujet un mensonge, alors qu'il se prépare à avoir sa chaise dans l'enfer. Donc ça c'est parmi les exemples sur quoi se basent les soufis. Hein. Le cheikh dit, se base là-dessus pour essayer de justifier les choses qu'ils pratiquent, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunna. Et voilà donc quelques exemples sur quoi se base la religion des soufis. Hein. Ensuite le cheikh dit, ومن المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن معصوما فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا انتهى. Donc le cheikh il mentionne ici et il dit que c'est très connu que l'adoration n'est pas une adoration correcte et acceptée tant qu'elle n'est pas fondée ou basée sur le Coran et sur la Sunna. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que les soufis, ils se basent sur, ou ils s'accrochent dans leur religion par laquelle ils essaient de se rapprocher à leur Seigneur, ils s'accrochent sur quelque chose de semblable à ce que s'accrochent les chrétiens. C'est-à-dire les évangiles et les livres qu'ils ont, chez eux, qui sont même pas, basés, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui ne sont même pas basés sur rien d'authentique, en fait. Hein. Donc, ce sont uniquement des histoires et des racontages, hein. Et donc, il dit, on ne peut même pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est écrit dans leur livre et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et également, même si c'était vrai, la personne qui l'a dit n'est pas infaillible, donc elle peut se tromper. Et ils prennent ces choses-là, comme par exemple ceux qu'ils suivent ou leurs chouyours, comme étant des législateurs pour eux dans la religion. Comme s'ils croient que leurs chouyours ont le droit de leur inventer n'importe quelle forme d'adoration qui lui plaît. Hein. Et ils ont donc ressembler aux chrétiens dans ce fait-là, comme les prêtres et les moines qui légifèrent des choses également dans la religion. Donc on va, à partir d'ici, mentionner quelques exemples de ça, pour mentionner certains des principes sur lesquels les soufis se sont basés pour essayer d'établir leur religion. Donc le cheikh Mohamed Ahmed Lour, dans son livre تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي يلدي على page 247 نعم رابعا هناك منافذ عديدة فتحها الفكر الصوفي أو يعني مؤسس الفكر الصوفي وواضع قواعده ووضعوا قواعده فمهدوا بذلك الطريق أمام المبتدعة والمشرعين ليزيدوا في الدين ما شاءوا وينقصوا منه ما لم يوافق هواهم. وفيما يلي أذكاره أذكر أهم تلك المنافذ. Donc il dit que les soufis, ils ont plusieurs fenêtres ou plusieurs portes par lesquelles ils ont essayé de rentrer pour essayer de, disons, de permettre à toute personne innovateur de légiférer et de rajouter ou d'enlever dans la religion ce qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions. Et il dit, je vais mentionner certaines des fenêtres ou certaines des portes qu'ils ont ouvertes pour essayer de se justifier dans la religion qu'ils pratiquent. المنفذ الأول الكشف. Un de leurs principes c'est الكشف. C'est-à-dire, الكشف, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de découvrir ou de dévoiler quelque chose. C'est comme par exemple si tu as un morceau de quelque chose devant tes yeux comme ça, un voile devant tes yeux, si je l'enlève, ça c'est, j'ai comme on peut dire que j'ai fait الكشف, c'est-à-dire j'ai enlevé quelque chose qui t'empêchait de voir. Donc c'est ça, pour eux c'est ça, le cache, c'est, on va expliquer ce que ça signifie pour eux. Ça c'est dans la, disons, dans la langue, le cache c'est ça, c'est de dévoiler ou de démasquer quelque chose, mais dans leur principe à eux ça a une autre signification. Le cheikh dit, « وَعَرَّفَ الشَّعْرَانِ الْكَشْفُ فَقَالَ إِنَّهُ عِلْمٌ ضَرُورِ يَحْسُلُ لِلْمُكَاشِفِ أو للمكاشف ويجده في نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر يدفعه عن نفسه ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه. Donc il dit que qu'est-ce que c'est un kashf chez les soufis, c'est quoi? C'est une connaissance que quelqu'un a en lui-même qui lui est dévoilée. Il la trouve en lui-même et yani, il n'a pas de doute à son sujet, il n'est pas capable de le repousser de lui-même, de l'enlever ou de la rejeter, et il n'a pas de preuve pour la supporter non plus, hein, excepté qu'il l'a en lui-même, il ressent cette connaissance-là en lui-même, d'accord. Et le cheikh dit, يعني أنه خواطر أو واردات كما يسمونه أيضا ترد على قلب من هو من الخواص فتحصل فيتحصل عنده يقين بصحته فيعمل به ويدعو الناس إلى العمل به. Donc il dit que c'est en réalité des formes de pensées, des sortes d'idées qui leur arrivent comme ça, ou des pensées ou des idées, et ils appellent ça, yani, donc ces idées-là, ils les appellent kashf. Et c'est des choses qui donc apparaissent dans le cœur de certains élus parmi eux, des gens particuliers, des gens choisis, d'accord, pas n'importe qui. Si quelqu'un, n'importe quel soufi prétend ça, ils vont pas l'accepter. Il faut que ce soit certains parmi les gens très haut dans le niveau de tasawwuf. Et donc, à cause de ça, ils croient que c'est des choses qui sont certaines. Quand ils sont certains de cette chose-là, alors ils le font, ils l'appliquent et ils appellent les gens à le pratiquer également. Et le chef dit, « وَفِي هَذَا الصَّدَدْ جَاءَ قَوْلُ الْخَوَاصِ شَيْخُ الشَّعْرَانِ قَالْ إِنَّ الْأَوْلِيَا لَهُمْ الْإِشْرَافِ عَلَى حَضَرَاتِ الْوَحِي فَرُبَّمَا تَهِبُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ تِلْكَ الْحَضَرَةِ نفحات تكشف لهم أو تكشف لهم عن حقائق الأمور الإلهية فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالإيمان كما قبلت من الأنبياء الجواهر والترار. Donc ça c'est les paroles de Sha'ran, de son cheikh, le cheikh de Sha'rani qui s'appelle Al-Khawas, Ali Al-Khawas. Il dit que les Awliya, ils ont l'honneur d'avoir certaines aspects de la révélation, et c'est des choses qui arrivent dans leur cœur et qui leur sont dévoilées, certaines réalités divine. Hein? Et donc, il dit que ça fait partie de la, des bonnes manières d'accepter ces choses-là qui leur sont transmises par la foi, c'est-à-dire il faut y croire comme on les a acceptées de la part des prophètes. Comme on les a acceptées de la part des prophètes. C'est écrit dans Jawahir wa Durar. Ensuite, le Cheikh dit « وَهَذِهِ الْوَارِدَاتِ أَلَّتِي تَخْتُرُ عَلَى بَالِ مَنْ هُوَ مِنَ الْخَوَاسِ كَثِيرًا مَا تَأْتِي بِإِضَافَاتِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ عَلِي حَرَازٍ مَعَارِفْ شَيْخِهِ التِّيجَانِ وَالْمَبَاحِثِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاوَلُهَا فِي مَجْلِسِهِ فَذَكَرَ أَحْوَالُ الْقِيَامَةِ وَمَوَاطِنِهَا عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْكَشْفِ تَارَةً وَتَارَةً بِمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَارَةً ينسب ذلك لبعض الأكابر تسترا. Ça c'est dans son, ça c'est le cheikh qui dit que parfois, en se basant sur ces formes de pensée ou des idées qu'ils reçoivent dans le cachet, ils peuvent rajouter certaines choses qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna. Et Ali Harazim, un des élèves de Ahmed Tijan, de la Tariqa Tijaniya, il a dit dans une de ses citations, quand il parlait du fait que, par exemple, son cheikh Ahmed Tijan, parfois, il mentionnait des choses au sujet de qu'est-ce qui va se passer après la mort, hein, au jour de la, dans les choses de la résurrection, eh bien, parfois, il dit qu'il mentionnait des choses en se basant sur le cash, et parfois, il se basait également sur le Coran et la Sunna, et parfois, il mentionnait des choses en les attribuant au grand ulama pour se camoufler, hein, c'est-à-dire tafatturan, hein, c'est-à-dire il ne veut pas dire les choses de lui-même pour peut-être pour pas que les gens commencent à l'accuser d'avoir inventé des choses, alors il prétend que c'est des grands savants qui l'ont dit alors que c'est pas vrai, d'accord. Na'am, donc ça c'est dans Jawahir al-Ma'ani, dans le livre de Ahmed Tijan. Il dit également « وَفِي هَذَا النَّصْ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ كَشْفَهُمْ يأتي أحيانا بغير ما ورد في الكتاب والسنة كما دل على أن المريدين تلقوه بالقبول على حال على أي حال كان. Il dit que ça montre que en se basant sur le cash, parfois ils peuvent même rajouter des choses qui ne sont même pas mentionnées dans le Coran, dans la Sunna, et leurs mourides, c'est-à-dire ceux qui les suivent, les chouyoukh, ils acceptent ça de leur part, hein. Et le chef, il dit, bon, il y en a certains des soufis qui ont essayé de limiter ça, parce qu'ils ont compris qu'il y a peut-être un danger dans cette idée de cache. Donc certains ont essayé de dire, on accepte seulement le cache qui est authentique, celui qui est en accord avec le Coran et la Sunna, d'accord. Comme par exemple, Al-Sha'rani, il dit lui-même, « ثم إن علم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقا للشريعة المطهرة. » C'est-à-dire le vrai cache, il ne peut pas venir accepter en accord avec le Coran et la Sunna. Toutefois, le Cheikh Ahmed Lour, il dit, لكن العقبة الكؤود في هذا هي أن العبارة وإن كانت لها قيمة نظرية في الرد عليهم إلا أنها تبقى عديمة القيمة في مجال التطبيق العملي. فنرى الشعراني نفسه يعمل على خلاف ما قرره هنا في كثير من المواقف، وهذا بلا شك اضطراب عجيب يدل على أن القوم يسيرون على غير هدى ويعيشون في معزل عن منهج مستقيم. C'est-à-dire que malgré que Al-Sha'rani il dit que le vrai cache c'est celui qui est en accord avec le Coran et la Sunna, il dit d'un point de vue théorique on peut l'utiliser comme un argument contre ce qu'ils font qui est contraire à l'islam quand ils se basent sur le cache pour ajouter des choses ou pour enlever des choses à la religion. Toutefois, dans le plan de l'application, on voit que ça ne tient pas parce qu'on voit plein de contradictions à ça. C'est-à-dire que par le cache, ils ajoutent et ils enlèvent des choses qui font partie de la religion, hein, qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc on voit, le cheikh dit qu'on voit à partir de ça, le fait qu'ils n'ont pas un manhaj, une méthodologie droite et claire qu'ils suivent constamment. Ils peuvent dire quelque chose d'un côté et dire l'opposé, le contraire de ça, hein, tout de suite après, et puis donc affirmer deux choses contradictoires. Après, le chef il donne comme deuxième exemple, comme sur quoi, un principe sur lequel ils se sont basés pour affirmer des choses qui ne font pas partie de la religion. Yani, le fait qu'ils prétendent, comme le cheikh dit, « Iddi'a at-talaqi min al-rasul sallallahu alayhi wa sallam » من الرسول الإنسي أو الملكي أو الأخذ من اللوح من اللوح المحفوظ. C'est-à-dire, parmi les exemples qu'ils ont prétendu pour essayer de permettre ou de rajouter des choses dans la religion, c'est qu'ils prétendent qu'ils prennent d'un messager, homme, humain ou un ange, ou d'un ange, un messager parmi les anges, et qu'ils prennent directement des tables préservées, c'est-à-dire اللوح المحفوظ, celui dans lequel Allah a écrit la destinée de toute la création. Et ça, c'est écrit dans leur livre, et on va mentionner plusieurs exemples de ça. Le cheikh, il dit, « لم يقف منظر الفكر الصوفي عند حد دعو التلقي من الخواطر التي ترد على قلوب الأولياء والمشايخ من المتصوفة ولكنهم فتحوا نافذة أخرى وهي نشر اعتقاد أن الولي بإمكانه أن يلتقي العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الملك ومن اللوح المحفوظ وهذه العقيدة هي من الخطورة بحيث يفتح باب التشريع على مسارعيه أمام معتقديها فإن العلم الذي يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينقل من اللوح المحفوظ لا يكون باطلا بحال من الأحوال. Donc le cheikh il dit que les gens qui ont défendu les théoriciens, disons, du soufisme, ils ne se sont pas arrêtés devant aucune limite dans la prétention. C'est-à-dire, ils ne se sont pas arrêtés uniquement à prétendre qu'ils avaient des idées qui leur venaient dans le cœur et qui étaient inspirées de façon divine. Comme par exemple, qu'est-ce qui arrive dans le cœur des soi-disant saints et soi-disant des chouïrs soufis. Toutefois, ils ont également ouvert une autre fenêtre, et c'est de répandre la croyance chez les gens que le wali est capable de recevoir la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, ou bien d'un ange, ou bien des tablettes préservées, hein, qui sont au-delà du trône, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec cette aqidah, ils réussissent à faire croire à tout le monde n'importe quoi, et à légiférer même des choses dans la religion et dans l'aqida. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit une connaissance directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un ange, ou de Allah al-Mahfouz, eh bien ça doit être absolument vrai. Yani, tu ne peux pas trouver quelque chose de faux dans ces références-là. Donc, yani, le cheikh il dit, « Mais zalika, أن علماء السودان اختلفوا اختلافا شديدا أيضا من اكزامبل سوني دي شيوخ دي السودان اختلفوا اختلافا شديدا وصل إلى حد سفك الدماء وذلك من في مسألة هل التنباك حلال أو حرام فيحكي ابن ضيف الله أن الشيخ إدريس ابن الأرباب أفتاهم في هذه المسألة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمبرك حرام. Donc le chef dit que les علماء du Soudan ont divergé entre eux au sujet du tabac. Ils ont divergé à un point tellement extrême qu'ils en sont venus même à faire couler le sang, hein, des autres au sujet de cette question-là. Ils ont eu des gros conflits à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un des soufis, ou bien quelqu'un a demandé à un des chouïrs soufis, au sujet du tabac. Est-ce que c'est halal ou haram? Eh bien, lui, il a répondu, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le tabac, c'est haram. C'est-à-dire, celui-là, il est venu très longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est haram le tabac. Donc ça règle le problème. Sauf que Allah musta'an. Ça c'est dans le livre qui s'appelle Tabaqat ibn Dayf. Et il mentionne la date de la naissance de celui-là. il est né en 913 Hijri, c'est-à-dire 913 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il prétend qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, un autre exemple. من ذلك أبا المواهب الشاذلي قال رأيت امرأة بمصر تدور على الأبواب وهي تغني في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي ولية كبيرة ففي مثلا إذا طبقة الكبرى الشعراني يذيك أدي شيخ صوفية كتل أبو المواهب الشاذلي il a dit, j'ai vu une femme en Égypte qui tournait dans les portes, hein, qui faisait le tour des portes et puis qui chantait les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet et il m'a répondu que c'était une grande sainte, Waliya Kabira. Après, il mentionne un autre exemple, il dit, وَمِنْهُ أَنَّ الشَّيْخَ التِّجَانِي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على الوضوء فقال لي لا إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان. سفي المنسيني دان جواهر المعاني يلديك الشيخ التجاني إلى دي جد ماضي ومن سيد الله صلى الله عليه وسلم est-ce que je dois mentionner le plus grand nom avec le tayammum lorsque je suis malade parce que je ne peux pas faire le wudu. Et le professeur sallam, il dit que le professeur sallam lui a répondu, non, tu dois uniquement, dans ce cas-là, le mentionner avec ton cœur, et non pas avec ta langue. Le plus grand nom, Al-Ismul A'azam, il n'a pas mentionné. Les soufis, ils ont beaucoup de choses de ce genre, le nom secret, le plus grand nom, le nom secret, des choses comme ça. Hein? Il y en a qui disent que Al-Ismu al-Azam c'est Al-Hayy al-Qayyum. Que c'est le nom par lequel si tu mentionnes Allah, tu demandes à Allah, il va te donner. Et si tu l'invoques par ce nom-là, il va t'exaucer. Al-Hayy al-Qayyum. Allahu A'lam. Le Cheikh il dit ensuite, qu'est-ce qui est grave, c'est le fait qu'il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pose les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond comme ça sans problème. Hein? Donc si c'est comme ça, imaginez si les sahaba avaient des questions à poser sur la religion au temps des sahaba, quand il y avait une différence d'opinion entre eux, ils n'avaient juste qu'à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher la dispute entre eux, pour régler les problèmes. Alors, ça veut dire que, ces gens-là, eux, qui sont venus des fois 1000 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils sont capables de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement leur répond. Alors ils sont meilleurs que les sahaba. Yani, c'est quelque chose de grave, yani, de penser des choses comme ça. Après, ça ouvre la porte à tout le monde qui aurait envie de rajouter ou d'enlever n'importe quoi dans la religion, de faire les choses selon ses désirs, de prétendre qu'il a entendu quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se permet donc tout ce qu'il veut. Hein. Par exemple, quelqu'un va dire, par exemple, il va faire le zina ou il va pas faire la salat, et là tu vas aller le voir, tu lui dis, mais pourquoi tu fais pas la salat, et pourquoi tu fais le zina, et pourquoi tu fais des choses comme ça. Il dit, non, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné la permission, et il m'a dit que c'est correct. Il y en a qui ont prétendu des choses comme ça parmi eux, d'accord. Donc ça c'est des exemples, comment on voit que si on ouvre cette porte, comme ces gens-là l'ont fait, eh bien ça ouvre la porte à plein de choses qui sont contraires à l'islam. Et allez, en réalité, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, souvent les ennemis de l'islam, quand ils veulent essayer de faire du tort aux musulmans et à l'islam, ils entrent dans la religion pour essayer de la détruire de l'intérieur. Et une des meilleures portes par laquelle ils sont capables d'entrer justement, qui leur permet justement d'avoir recours à ces moyens-là, c'est d'entrer par les portes des gens de bid'ah. Hein? Comme par exemple At-Tasawwuf et At-Tashayyu, par exemple les Shi'as aussi. Beaucoup de Zanadiqa qui sont entrés dans l'islam et qui se sont camouflés derrière les Shi'as pour se permettre toutes sortes de contradictions à la Sharia. C'est pour ça que tu trouves plein de groupes d'hérétiques parmi les gens de Béla qui se disent chiites, comme par exemple les Rafidah, les Batiniyah, comme par exemple Ismailiyah, Druz, Nusayriyah et beaucoup d'autres sectes qui sont attribuées aux Shia et qui sont en dehors de l'islam. D'accord? Donc, ensuite le Cheikh il dit, يقول ضيف ابن ضيف الله إن أبا المواهب المذكور اجتمع عليه جماعة من الفقهاء فطرحوا عليه 17 مسألة مشكلة فأجاب عليها ثم يعلق ابن ضيف الله على هذا بقوله فمن ذلك اليوم أيقنوا أن علمه يغترفه من اللوح المحفوظ دونك ففي rapporté également dans At-Tabaqat. Il dit, Ibn Dayfillah, que Abu al-Mawahib, celui qu'on a mentionné, il y a un groupe de fuqaha qui se sont entourés, ou qui l'ont entouré, qui se sont réunis autour de lui, et ils lui ont donné 17 questions dans le fiqh, des questions difficiles, pour voir qu'est-ce qu'il allait répondre. Alors il dit qu'il a répondu à chacune de ces questions. Alors, Ibn Dayfillah, il mentionne après ça comme un commentaire, il dit, à partir de ce jour-là, ces fuqaha, ils ont été convaincus par la suite que sa connaissance venait de Al-Lawh al-Mahfouz, qu'il avait pris des tables préservées. Hein? Un autre exemple, le Cheikh Ibn Amin, ذلك قول الشيخ جاكير, il dit, ما أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادي. C'est-à-dire que ce Cheikh-là, il a dit, moi, j'ai jamais pris un serment d'un de mes mourides, excepté après avoir vu que son nom était écrit dans le Al-Lawh al-Mahfouz, dans l'état préservé, et qu'il fait partie de mes enfants. Quelque chose de ce genre. Donc, yani, ça c'est une autre prétention de la part de celui-là qu'il peut voir dans Al-Lawh al-Mahfouz, ça c'est dans Tabaqat al-Kubra. Après, il mentionne une parole de Al-Fouti, hein, Al-Hajj Omar Tal Al-Fouti, qui vient du Fouta, au Sénégal, c'était un des chouchs de la Tariqa Tijaniya, un qui a pris la Tariqa d'un des élèves d'Ahmed Tijan à la Mecque, à Médine ou à la Mecque, et qui est retourné en Afrique de l'Ouest par la suite pour la répandre en Afrique de l'Ouest. Et c'est à cause de lui que cette Tariqa a été répandue justement dans cette région-là, parce qu'il a combattu toutes les autres Turqs. Toutes les autres Turqs, il les a combattus, et donc à cause de ça, il a établi sa tariqa là-bas. Il dit, « Inna jami' ahl al-fath yushahiduna al-malaika, wal-kamilu baynahum yanzilu alayhi malakun bil-amri wal-nahi, thumma yaqul, wala yalzimu min dhalika an yakuna dha shari'a. » Donc, ça c'est dans son livre Ar-Rumah. Il dit que tous les gens de Al-Fath sont témoins des anges, toutes les personnes du Fath. Ici, je ne sais pas s'il parle de Fath au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais selon moi, il ne parle pas de ça, il parle plutôt de Al-Fath dans le terme soufi, dans le sens que eux, ils ont ce terme-là, ça veut dire quelqu'un pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui dévoile certaines connaissance, yani, comme par exemple, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, Al-Kashf, c'est une forme de Kashf, Allahu A'lam. Et donc il dit, tous ces gens-là, ils sont témoins des anges, ils voient les anges, ok. Et celui parmi eux qui est parfait, Al-Kamil Bainahum, un ange lui descend avec les commandements et les interdictions. L'ange lui descend avec les commandements et les interdictions. Et puis il a dit, juste après il a dit ça, après avoir dit ça, il a dit, et ça ne veut pas dire qu'il a reçu une charia. Ça, c'est comme si, une contradiction, en fait. Parce que c'est, exactement, le poisson est noyé, comme tu dis. Il dit, il reçoit un ange avec des ordres et des interdictions, mais ça ne veut pas dire qu'il a une charia. Donc c'est quoi une charia? Et c'est comme ça qu'ils disent qu'ils voient, ils reçoivent des anges et ils prennent des choses directement d'Allah, ils reçoivent des révélations d'Allah et des choses comme ça, puis après ils disent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes. Hein? Donc c'est aussi des exemples de contradictions comme ça. Comment tu prétends que Dieu te donne des révélations, que tu reçois des choses des anges, si par exemple tu dis, mais ça ne veut pas dire que je suis un prophète. C'est quoi un prophète? Si c'est autre chose que quelqu'un qui reçoit de la révélation. Hein? C'est pour ça que beaucoup d'entre les soufis, ils disent que les awliyas, les saints, ils sont plus que des prophètes, au-dessus des prophètes. Certains d'entre eux disent ça. Et vous allez voir, on va mentionner des exemples de ça, la conception des awliyas dans la pensée soufie, qu'est-ce que c'est? Mais ça, pas aujourd'hui, dans un autre cours, Inch'Allah, plus tard. Et là, vous allez voir de toutes les couleurs, et vous allez voir des choses que vous n'allez même pas imaginer dans les paroles de qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. C'est des choses qui sont dignes de la science-fiction. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, mais c'est-à-dire, oui, non. Parce que des fois, hein, comme on dit par exemple quand quelqu'un et l'imam prie, puis il a oublié une ayah, ou bien il est bloqué dans une ayah. On dit yaftahu ala l'imam. Hein? Il a donné le verset qu'il a pas su ou qu'il a oublié ou quelque chose comme ça. Mais pour les soufis, ça a une autre signification, en fait. C'est pas la même chose. Donc, il faut se rappeler que un soufi peut être là devant les gens et parler. Et il va dire aux gens des choses. Personne va rien dénoncer ou renier ou rejeter ou critiquer quoi que ce soit de ce qu'il dit. Toutefois, qu'est-ce que lui a dit et les mots qu'il a utilisés pour un soufi ont une signification complètement différente de qu'est-ce que nous, les musulmans d'Ahl Sunna, on a compris de ces mots-là. Parce que pour eux, chaque mot a une autre signification, une autre terminologie, d'accord, différente. C'est pour ça que les soufis, ils ont leur propre définition des termes islamiques. Demandez à un soufi, par exemple, qui croit en Wahdatul Wujud, hein, que tout dans la création c'est Allah, et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de distinction entre le Créateur et la création. Demandez-lui c'est quoi le Tawhid. Et demandez-lui c'est quoi le Shirk. Vous allez voir que pour lui, le Shirk et le Tawhid c'est quelque chose de totalement différent que pour les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, et qui suivent la voie des salafs. Toutefois, ils vont être capables de s'asseoir devant nous et de parler, et de dire le tawhid, le shirk, tout, et parler de la ilaha illallah et de l'islam. Mais pourtant, pour un autre soufi, ça a une autre signification. Même certains parmi les soufis, ils ont dit tout dans le Coran est shirk. Parmi les soufis, il y en a qui ont dit ça. Et non, donc on va arriver à ça, mais pas maintenant, plus tard, Inch'Allah, vous allez voir des choses vraiment incroyables dans les paroles des soufis. Donc il dit, ويضيف قائلا, après avoir dit ça, il dit encore, إذا كان المفتوح عليه على هذه المرتبة فلا يستبعد أن يكون منعه أهل طريقته من زيارة الأولياء بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك من الملائكة. Donc le شيخ il mentionne les paroles de Al-Fouti encore une fois, qui dit que, une fois qu'on a compris que c'est ça le degré des gens à qui Allah a donné Al-Fath, donc, c'est pas difficile par la suite d'accepter le fait que si le cheikh de la tariqa a interdit à ses fidèles de contacter un autre wali que lui, que c'est par la permission d'Allah, par intermédiaire de l'ange, qu'il leur a interdit de faire ça. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que dans la tariqa tijaniya, si quelqu'un accepte la tariqa, il n'a plus le droit, il doit couper tous les liens qu'il a avec tout autre cheikh d'une autre tariqa. Et j'ai rencontré un tijani ici à Montréal, qui est le frère d'un des cheikhs tijan au Sénégal, qui est assez haut placé dans la tariqa. Un des proches de la famille de celui qu'ils appellent, c'est qu'on a mentionné la dernière fois là, non pas Baïfal, ça c'est les Mourides, Ahmed Bamba, les Baïfal, c'est ceux qui croient qu'ils n'ont plus besoin de prier puis de jeûner là, parce qu'ils suivent Ibrahim Fall. Non, là je parle de Ibrahim Niass. C'est Ibrahim Niass. Lui, il se sent un de ses descendants là, proche de sa famille. Il est millionnaire. Et il est marié avec une juive. Il a une maison à Westmount. C'est juste pour vous dire comment ces gens-là, ils disent Az-Zuhd. Non, c'est vrai, ils disent Az-Zuhd et qu'ils n'aiment pas la dunya et tout. Mais c'est des gens, ils aiment tellement l'argent et puis ils sont tous riches. Tous les chouïrs des Turuq Soufi, ils sont riches aujourd'hui. C'est pas des petits, un peu d'argent là, c'est des millions et des millions de dollars qu'ils possèdent. Et tous leurs fidèles là, ils les suivent et ils leur donnent l'argent comme ça. Donc vous allez voir, c'est comme ça dans ces turuqs là. Donc lui, ce gars là, je l'ai affronté à ce sujet là. Et il m'a menacé, il m'a dit fais attention, parle pas de ça. Fais attention, tu sais pas à quoi tu as affaire. En tout cas, ويخوفونك بالذين من دونه. Ils essaient toujours de te faire peur avec leurs idoles. Si tu attaques leurs idoles, ils commencent à essayer de te faire peur. Attention! Mon idole va te donner une malédiction, mon Dieu va te maudire ou je sais pas quoi. Hein? C'est comme ça, ils s'imaginent. Et c'est son business, bien sûr, parce qu'il gagne sa vie avec ça. Donc, allez. Et comment il marie des femmes juives, Yanni? Et lui, il travaille pas, hein. C'est juste, il n'a pas d'emploi. Pardon? Alors, ils ont pas peut-être. Allahu a'lam. Il dort, Yanni. En tout cas, Allah musta'an. Donc, celui-là, il me dit, on a plus, lorsque quelqu'un a accepté l'essai de défendre en même temps la tariqa, parce qu'il y avait son ami à côté, que je connaissais bien, et il essayait de défendre justement sa position devant lui pour essayer de le ramener de son côté, tu vois, parce qu'il voyait qu'il m'écoutait, et donc il essayait de défendre son point pour pas qu'il commence à avoir des doutes à cause de moi. Donc il dit, écoute, quant à le lien avec Ahmed Tijan, c'est comme si tu as un fil direct avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc tu n'as plus besoin d'avoir une relation avec aucun autre savant ou aucun autre wali ou aucun autre saint. Je dis ouais, mais tous les jours, Sophie, de chaque tariqa, ils prétendent ça, eux aussi, qu'ils ont un fil direct. Mais c'est quoi la preuve? C'est quoi ce fil direct dont tu parles? Hein? Donc c'est juste pour montrer un exemple comment il y a des gens prétendent des choses sans aucune preuve et sans aucun dalil. Et comment? Bien sûr, les gens qui les suivent, les ignorants, oui. Parce que juste comme par exemple, là je parle du Sénégal et de la Guinée, des soufis qui sont en Afrique de l'Ouest et qui sont dans d'autres pays comme en Inde ou au Pakistan ou en Indonésie ou dans d'autres pays comme ça. Et en général, c'est des pays où des gens ne parlent pas bien l'arabe. Et même dans les pays comme par exemple le nord de l'Afrique, en Algérie et autres, chez les gens qui n'ont pas eu une éducation, ils ne connaissent pas bien l'arabe classique, ils ne sont pas capables de comprendre directement le Coran et la Sunna. Donc, ils ont besoin de ces chouïrs-là, et ces chouïrs-là sont comme leur intermédiaire entre le Coran et la Sunna et eux. Donc, ils font confiance aux chouïrs. Et tout ce que les chouïrs disent, ils l'acceptent, parce qu'ils se disent, ces gens-là, ils connaissent mieux que nous, ils ont tous, tu vois. Ils peuvent pas vérifier par eux-mêmes. Qu'est-ce que le chouïr dit? C'est ça qui est écrit vraiment, tu vois. Donc, ça devient une forme de façon de suivre aveuglément les paroles d'un homme. Et c'est ça le danger, et c'est dû à l'ignorance. Et les chouïrs soufis, hein, comme on va voir plus tard, Inch'Allah, ils incitent toujours les gens à ne pas chercher la connaissance et à ne pas étudier l'islam. Parce qu'ils leur disent, la vraie connaissance de Dieu, elle ne vient pas par l'étude, elle vient de Dieu directement. Et ça, on va avoir des citations et des paroles de la part de ces chouïrs-là. Donc, on voit que il a l'idée, dans cette citation-là de Al-Fouti, dans celle qu'on a lue en dernier, que c'est l'ange qui est venu voir Ahmed Tijan pour lui donner la permission d'Allah d'interdire la visite d'autres awliyas. Ça, c'est une forme de révélation, hein. Donc ça, c'est grave. Et donc, le cheikh Ahmed Lo, il dit que y a deux possibilités dans cette idée-là. Il dit الأولى أن تكون هذه الأحكام الموافقة هذه الأحكام موافقة لما في الكتاب والسنة في كتاب فلا يكون هناك داع لنزول ملك يأمر وينهى لأن كتاب الله واضح جلي زادته السنة النبوية المطهرة وضوحا وجلاء لي si c'est loi là que l'ange est venu pour amener à ces choses soufis là si ces lois là ou ces règles là sont en accord avec le Coran et la Sunna donc on n'a pas besoin de ces nouvelles révélations là puisque c'est déjà clair dans le Coran et dans la Sunna dans le Coran c'est déjà clair et la Sunna est venue ajouter de la clarté à ces principes là donc yani, on n'a pas besoin d'une autre personne qui amène une nouvelle révélation après d'accord et le cheikh dit فلم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى الا بعد ان بلغ الرساله وادى الامانه وكمل الدين وتمت النعمه والحمد والحمد لله فصلى وسلم lorsqu'il est mort la religion était complétée hein et il a transmis la religion d'une façon parfaite et complète en toute honnêteté et fiabilité donc il n'y a plus besoin d'avoir un messager après lui et après le cheikh dit ثانيا أن تكون هذه الأحكام جديدة غير واردة في الكتاب والسنة فحكمها الرد على من ادعاها عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد il dit que si ces choses-là sont des choses nouvelles qui n'existaient pas dans le Coran et dans la Sunna alors qu'est-ce qu'on doit faire au sujet de ces idées-là ou de ces paroles-là ou de ces choses-là c'est qu'on les rejette comme en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui a inventé dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie alors elle est rejetée elle sera rejetée hein, elle ne sera pas acceptée dans Allah subhanahu wa ta'ala donc il donne d'autres exemples de ça ensuite il donne une autre porte ou une autre fenêtre que les soufis ont ouverte pour essayer de se donner le droit de par exemple de légiférer ou d'amener des choses dans la religion, c'est le principe de At-Talaqqi anillahi bila wasita. C'est comme j'avais parlé tout à l'heure, le fait qu'ils reçoivent des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans prophète, sans ange, directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'avais mentionné. Donc il va mentionner des exemples de ça. Là, il mentionne, attendez. Parce que là, c'est des longues citations, puis j'ai pas envie de commencer à lire des affaires trop longues, puis après que ça ne finit plus. Ok. Ok, je vais mentionner celle qu'il a écrit ici. يحكي ابن ضيف ابن ضيف الله أن صالح ابن الشيخ بان النقاء بان النقاء في صنوه اللي موها 1189 الذي قال أنا في الخلوة مرقت روحي من جسدي وعرجت حتى خرقت السماوات فسمعت الخطاب من الله تعالى ومن الملك فقال لها توبي فقالت تبت لوجهك الكريم لوجهك يا كريم قال لها تذكريني كل يوم باسم الجلالة 100 مرة فقلت أذكرك يا سيدي ومولاي ثم قال لها تذكريني 50,000 فقلت أذكرك يا سيدي ومولاي ثم قال لها تذكريني بستة هكذا donc c'était comme ça qu'il était écrit dans le livre dans la citation بستة وعشرين ألف كل يوم قالت أذكرك يا سيدي ومولاي ثم نزل به إلى 6,000 ثم إلى 1,000 ثم قال وأنا في الخلوة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ما أمرني بقراءة دلائل الخيرات Donc ça c'est une des citations qui montre comment yani, ils prétendent qu'ils rencontrent Dieu ou ils parlent à Dieu directement, des choses comme ça. C'est l'exemple de ce cheikh-là qui dit que j'étais dans Al-Khalwa, c'est-à-dire dans une, comment on appelle, un ermitage, un isoloir. Il s'isole dans un endroit pendant une longue période de temps. Et il dit, pendant que j'étais là-bas, mon âme est sortie de mon corps et elle est montée, et elle a transpercé les cieux, et elle a entendu la parole divine et la parole de l'ange. Alors, c'est comme si Allah a dit, il a dit à son âme, repens-toi. Alors, il a dit, je me repens pour ton visage noble, ô toi le noble. Après, il a dit, Allah lui a dit, rappelle-toi de moi chaque jour en disant 1000 fois le nom Allah. Alors, il a dit, oui, je vais le faire, ô mon maître. Après, il a dit, tu vas te rappeler de moi 50 000 fois. Il a dit, oui, je vais le faire. Après, il a dit, tu vas te rappeler de moi 26 000 fois, chaque jour. Il a dit, oui, je vais le faire. Après, il a dit, alors, après, il a rabaissé ça à 6000, il a rabaissé ça de 6000 à 1000. Il dit, alors, quand j'étais dans Al-Khalwa, dans l'isolement, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et parmi les choses qu'il m'a ordonnées, c'est de lire un livre qui s'appelle Dala'il al-Khayrat. C'est un livre qui parle, des du'as ou des choses comme ça, qui ont rapport avec des du'as ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples. Puis il y a d'autres exemples que le cheikh avait mentionné, mais, c'est des longues citations, puis j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à lire ça. C'est juste pour que vous sachiez. Et ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de Al-Qadi Iyad, Al-Maliki, un des ulama. Il a dit, من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته وحلوله في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية فذلك كفر بإجماع المسلمين. Donc ça c'est les paroles de Al-Qadi Iyad Al-Maliki. Il dit que celui qui prétend qu'il est en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, assis avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il s'élève vers lui, ou bien qu'il lui parle, ou bien que Allah est en une des créatures. Comme la parole de certains parmi les soufis, alors ça c'est kufr, c'est une parole de mécréance, selon le consensus des musulmans, des ijma al-muslimin. Donc ça c'est la parole des ulama, comme Al-Qadiriyya, ça c'est mentionné dans son livre Al-Shifa. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui, puis on continuera le thème, le même sujet la semaine prochaine, bi'ithnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.